إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سوات جسنو تيري بودي المنتقى من إغاثة اللحفان من مصايد الشيطان بو الشيخ محمد بن إبراهيم المصري حفظه الله تعالى. xam ngeen ne ñi ngi woon ci tomb bu am solo te moo doon wéer boo xam ni jambi daf koy wéer xolam ci lu dul yàlla. loolee ab lor la koy jural bu ci jëlee lu ëpp la nga xam ni mooy aajo ba nga xam ni moom la ca am, te mu nekk loo xam ni da koy jël di ko jëfandikoo ci lu du topp yàlla. loolu nag mi ngi jëm ci mbir yi nga xam ni mooy ay mbir yu baax la ak mbir yu dagan. lu mel ni masalan ñu ne nangam bi kat sabab la, mu nekk sabab boo xam ni sharia nangu na ko. sabab boobee dafa am fu mu war a limité wu, dafa am fu mu war a limité wu. ndax sabab lu moom mooy produire, déedéet sabab lu moom moo yor ndigal wala mbir mi, déedéet jumtuwaay kese la. jumtuwaay nag ni nga ko yoree sunu borom def loolu jur, keneen mën na koo yor te du jur. bés bu jot ñu gis ñu bari ñu ngeek ay soxna te mënuñoo am, te mënuñoo am doom. lu tax? ndax loolu na am wut soxna sabab la, mais nag du loolu kese. am na lu nekk ca ginnaaw loolu, am na doole ak ndigal bu nekk ca ginnaaw loolee. kazalika ci feebar nit ak moroomam bokk nañ même feebar, ñi wër ñi faatu, te pourtant même traitement bi lañ defal ñi, lañ leen defal ñoom ñëpp. kon loolu nit ki war na ci bàyyi xel, surtout période bii ñu toll nii. période la boo xam ni bu neex a joxee misaal la. waaw, ndax nit ñi ku ci ne rek ci say yëngu am na looy bàyyi xel. waaw, benn ñaar ñett mu feeñ ci wax yi ma ngoog. période la boo xam ni li fi xew ñëpp xam nañ ko, muy ab pandémie, ab musiba, ab balaa boo xam ni sunu borom wàccee na ko. ba loolu daa dinay jur mbir yu bari ci dundu ni nit ñi, seen dundin, seen dund au quotidien. tey am na heure boo xamante ni soo ko génnee xalaat woo ko sax génn, ndax am nga looy bañ, gis nga soppeeku boobu ma ngoog. ay soppeeku ci nit ñi seen doxalin ba sax mu àgg ci li ñuy wax remise en question, taxaw xoolaat xoolaat mbir yi. loolu yépp gis nga sunu borom ci xikmaam léegoo-léeg day tegal doomu aadama yi ay mbir ngir ñu profitoo ci tirer ci le maximum d'intérêt, le maximum de bienfaits. Fébar, wér, dundu, dé, ça fait partie de l'évolution, entre guillemets. Manam, mok dundu doomu adama ñoo and. Gis nga? Xeyna peut-être dañ nan ak fébar. Dañ nan ak fébar. Da xam ngeen né fébar bu ñu tuddé siburu muy paludisme, mi ngi fi en Afrique. Ñaata nit ngeen xam ñu faatu ci ak bari. Kon febar du fi gulen, ay bakkan faatu ci febar du fi gulen, ndax loolu ak dundu doomu aadama ñoo ànd. Loolu yëpp nag doomu aadama war ci mën a tiré ay njàngat, ndax sunu borom ba mu tegee yooyu ba pare la'allahum yarji'un la ko jeexale ngir ñu dellu si waat. Kon dafa mel ni yu mel ni bu xewee war nañoo taxaw xoolaat sunuy doxalin. Dafa mel ni wàcc yoon am na. Moo taxoon ma la doon wax naan prévention na am, dañoo war a taxaw ci prévention, wax di laxas loxo yi, di wattandiku respecter distance yi ñu wax, gis nga ko, wattandiku dajaloo yeeg yu demee noonu, loolu prévention la. Mais xoolal ban prévention la, c'est secondaire. Maanaam prévention boobu kañ la? Bi feebar bi excès ba pare. Mais avant feebar bi doon excès, prévention foofu nag loolu kan moo ko jël en compte? Ban système capitaliste bi jël na ko en compte? Démocrate bi jël na ko en compte, républicain bi jël na ko en compte, socialiste bi jël na ko en compte. Kan moo ko jël en compte? Prévention boobu mooy domaine bi nga xam ni mooy le domaine spirituel. Ndax musiba yi di am, yàqu-yàqu yi di am, sunu borom dane bima kasabat aydin nas, ci seen fàgguteef la yéen. Suñuy tooñ, suñuy moy, suñuy jàdd yoon moo nekk nii, moo nekk nii. Kon bokk na ci prévention ñu yar nit ñi, ñu yar leen, yar leen spirituellement ci côté spiritualité, côté diine, ñu yar leen, defar seeni pas-pas ba duñuy gàddu pas-pas yu yàqu ci seen biir xol, defar seeni jikko, seeni jaamu yàlla, seeni doxalin. Ndax xam ngeen ni laataa ñuy wax feebar bi yéen a ngi doon dégg muy ci réew mi ak yeneen réew, ay tooñaange, ay bakkan yu ñuy faat fan yi laata corona bi di occupé la scène médiatique, ay ray rek lañ doon wax. Diw ray nañ ko fële, ray nañ xale bu jigéen fële, ray nañ fële, ray nañ fële. Mu mel ni doomu aadama dafa toll benn moment boo xamante ni nii maanaam dafa jàpp ni moom lépp mi ngi ci suufu contrôle am. Lépp mi ngi ci suufu contrôle am. Moom daal mooy gérer lépp, mooy buur, mooy bummi. Te loolu boo ko xoolee daanaka da nga koy gis ci ay niveau yu bari. Tantôt mu nekk lu individuel, tantôt mu nekk lu collectif. Nga gis ab réew dem ci meneen réew salfaañe fa, sotti fa ay tooke, maanaam sotti fa ay arme, bay réew ma yàqu. Yéen a ngi fàttaliku Irak, lan lañ waxoon ci Saddam, dafa yor ay armes de destruction massive. Fan la mujjee, ana preuve yi. Mais bañ buggee dugg Irak pour yàq réew ma, fexe nañ am na fuñ dem ba voté ay résolution, n' est ce pas? Am na fuñ dem voté ay résolution. Te ñooñu nee nañ ñooy ñi xereñ, nee nañ ñooy ñi am xam-xam, ce sont les intellos, ñi am xam-xam, les démocrates. Gis nga ñi nga xamante ni ñoom maanaam ñooy les donneurs de leçon. Fexe nañ ba am résolution dugg Irak salfaañi ko. Ba léegi dereeta ngi tuuru Irak, jaxase ko. Yéen a ngi fàttaliku Libi. Utaat nañ tamit ay këyit, ay résolution. Ñan ñoo joxe résolution boobu? Fan lañ defee waxtaan woowu ba war a mën a jox ay réew sañ-sañ ñu dem dugg meneen réew salfaañi ko, sotti fa ay bombe. Jéew ma jaxasoo ba tey nii deretan fay dugg. Gis nga loolu yëpp parce que doomu aadama jàpp na ni moom léegi moom mooy buur, mooy bummi. Léegi réew yooyu ñi demoon Irak dem Libi dem feneen ci réew ne dañ fay installé démocratie. Est ce que installé nañ fa démocratie? Ne dañuy apporté la liberté. Est ce que apporté nañ la liberté? Bon, peut être Libi mën nañ ne apporté nañ la liberté, la liberté d'être un criminel, la liberté de massacrer ses concitoyens. Loolu de yóbbu nañ ko Libi parce que ba léegi Libi moom mi ngi noonu dereetañ fay tuur. Liberté boobu lañ fa indi. Est ce que lii mooy li humanité bi soxla? Est ce que l'humanité a besoin de ça? L'humanité est ce que lii la soxla? Sunu borom mi ngi nettali ci alquran ba mu ne inni jaa'ilun fil ardi khalifa, damay def ci suuf ak wuutal. Lan la ko malaakai waxoon? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, ndax danga fay def koo xam ni bu ñëwee ci kaw suuf daf fay yàq di tuur deret. Libi lan ñi duggoon Libi luñ fa def, ñi duggoon Irak luñ fa def, yeneen réew yi ñu dugg lan lañ fa def? Yàq, tuur deret, bombardé, rey ay nit. Loolu mooy démocratie quoi. Ñoom ñi wax démocratie lii la ñu wane ci démocratie. Donc gis nga doomu aadama kon am na fu mu tolloon ci ay doxalinam, ay jëfinam sunu borom indi benn mbir moo xamante ni ba léegi amagul ku génn dox ci mbedd mi ne dañe naa moom. Waaye booy génn yaa ngi jël say matuwaay pour bañ a dajeeg moom. Sol sa équipement, say gant, say masque, yor sa gel. Gis nga ko ma nga mu feeñ nag fépp. Taximan bi yëg na ko parce que léegi nee nañ ko sa oto moom dootoo ko duy, nanga ko daan duye. Kon feeñ na ci transport bi, marché ba feeñ na fa, l'école yi feeñ na fa, administration bi feeñ na fa, béréb yëpp. Te la nit ñi de moytu kenn mënu koo teg bët ne mi ngi nii, xool naa ko, gis naa ko, daa vert wala dafa bëla. Sama xel day dem ci ñi doon wax naan ñoom mënuñoo gëm luñ gisul ba pare gëm ni virus baa ngi fi. Loolu du contradiction bu rëy. Wala boog dañ naan ñëpp dañoo am accès ci laboratoire yi ba dem xool virus bi ci microscope. Gis nga loolu. Kon gis nga doomu aadama fi mu toog. Sunu borom jalla wa ala nag indi loo xamante ni nii doomu aadama mën na ci def li ñuy wax la repentance, mooy tuub delluwaat ci yàlla, tuub delluwaat ci yàlla. Mais boo seetloo ni ñu néglige prévention bi nga xamante ni mooy la prévention primaire, parce que ñëpp dañuy insister ci prévention bi nga xam ni c' est secondaire. Maanaam ginnaaw li ma jublu ci secondaire mooy ginnaaw bi liy xew-xewee ba pare, bañ ne feebar bi dugg na ci réew bi ba pare ñu ne fagaru leen. mais waron nañu yar nit ñi ci ñuy fagaru laata febar di ñew mais bo xolé ni ñu insister ci prévention secondaire bi noné tamit ci walu lu yëkëti bala bi ak musiba bi non la lañuy insister sam ci lo xamanteni ni lu secondaire la lu matériel la ñu faté aussi le domaine spirituel faté la religion sunu borom neena solution bi moy ñu delu wat ci mom c'est ko solution bi moy ñu delu wat ci sunu borom mais bo xolé ndax opté nañ yoon bob jël nañ yoon bob est ce que jël nañ yoon bob dafa melni ba légui ñi gi bafoué li nga xamanteni ni moy bakkanu doomu adam ndax yene gi dégg ci ay information yene gi gis ay nit di wax ay xew xew yu xew ci dekk yoyé nga xamni ño daan dem ci dekk jamburi di len nogatu di len jaay doole di fa soti ay toké ci ay armes di bombarder di encadrer ñi xex tay yene ngi gis li xew ci sen rew yi nombre de bakkan yi rot nombre de bakkan yi rot luñu préparé won la ñom comme li ngay dégg ci ñen ñi di wax dafa am ben programme bo xamanteni ni ay lobby ñom ñoko togg pour lan pour wañi la population mondiale parce que nenañ nit ñi dañu bari ci kaw suuf ndax lolu mo lal affaire bi wala bok affaire bi situation la bo xamni dañ ci profito pour lolu mais dal doyna war doyna war ngok doyna war ndax rew yoyu ñom ñi daan wër ci kaw suuf naan ñoy gendarme yi ñom ñoy défar ñoy dindi bu ñe afrique ñu ne ñoy ñun ñoy dem dimbali africain yi mais olof dané mbay ci sey wom ñom seen doom rew yi faatu seen hôpital yo yefes seen lal yi nga xamanteni ni doyut li d'hôpital yi doyut seen yi traitement xana lañuy jël doon ko jëndé ay arme yobbu ko libi yobbu ko iraq yobbu ko fenen lolou waron na leena mëna servir pour ñu défaré ko ay hôpital yene gi dégg masalan jëlal chinois yi nénañ bi affaire bi excès tabax nañ l'hôpital bo xamni wala ñaari hôpital ñen ñi nénañ ñaari hôpital en 15 jours deux hôpital en 15 jours légi jëlal réew yi nek Europe ñom lu leen téré tabaxé hôpital lal yu mat sax mënuñu ko am téné ñom ñom ñoy européen yi quoi ñom ñoy li ñu tuddé la nation civilisatrice ha ñu nek ci xat xat bo xamni ay bakkan ñi ngi faatu ñu naan la sennu soxna sé sennu soxna da doon wësin mënul accès ci hôpital bi fa la mujju faato ñu né diiw dé malade la woon waye hôpital yi talatuñ ko mu faatu lolu fan la xewé ci réew yi nga xamni ñoo né ñom ñoy yor civilisation ci réew yi nga xamni dañ nan ñom ñoo respecté ak doomu adama gis nga nangam gis nga ñom dañoo respecté nit OK mais lolu nañ ko prouver ñom nañ ñu prouver né ñom respecté nañ bakkanu doomu adama nañ ñu ko prouver ci moment bi ha ils n'ont qu'à sortir les grands moyens pour construire des hôpitaux chinois yi def nañ ko ñom nañ ko def ils n'ont pas les moyens après ñu ñew ñu né dañuy dimbali les africains ils n'ont pas les moyens après ñu dem naan ñom ñoy daanel président bi parce que président bi dictature la ils n'ont pas les moyens après ñu dem ci dekk jambar na ñom ñoy indi la liberté organiser dajalé ay armes soti ko fa nit ñi di xex bakkan yi di tour kon dal ñom ils n'ont pas les moyens pour s'occuper de leurs malades mais ils ont les moyens pour décimer la population mondial. Ils ont les moyens pour faire des guerres. Ils ont les moyens pour fabriquer des armes de destruction massive. Mais ils n'ont pas les moyens de trouver un bon traitement contre cette maladie. Ou bien même d'apprécier un travail de leurs concitoyens. Dieu m'a apprécié parce que nous avons un homme qui a été mis en place comme ben qui à base de chloroquine, mais qui veut nous utiliser. Quand on a un homme qui a été mis en place, ñom amuñu les moyens pour apprécier lolu mu def ñu jëm ko xol saytu ko sax amuñu moyens ils n'ont pas ces moyens là mais mën nañ dem libi yobu fa guerre est ce que gis nga manam subhanallah sunu borom mi ngi wuñi gis nga sunu borom mi ngi wuñi mi ngi génné li gaay doon neub war nañ xolaat sun bop war nañ xolaat sun bop bu baax xolaat situation bi système bi ñu ñuy présenter ni nañu système bu baax la war nañ ko xolaat système bo xamantene amul moyen ci médecine té sax amna lu jitu won lool xam nga lan mo jitu won lool une alimentation adaptée système bo xamantene mënul taxaw ci lool loolul lim lay lijeentil moy créer ay OGM nan la non monde bi niñ leen nourrir doyul il faut ñu def ay OGM c'est cancérigène non monde bi fiñ toll ni tay pour nourrir la population mondiale il faut ñu utiliser la science hein dugg ci ay produits yo xamni c'est cancérigène créer ay façon lek yo xamni c'est cancérigène mais lolu moy yok déséquilibre bi nga xamanteni ni tay presque nit ñi sen système immunitaire yépp wacc donc fièvre bo xamanteni ni bu ñé day attaquer ce système immunitaire bu ñé day dugg parce que da fekk ce système immunitaire wacc ba paré parce que lan sa alimentation n'est pas adaptée. Yow carburant ngay lek carburant bi ñu def ci machine ngay lek say tangal say bonbon say lek sa nangam lepp wala sa alimentation tout est acidifiant trop d'acide bu ko defé ce système immunitaire wad ci souf donc aduna bo xamni né nañ tollu nañ ci puissance nangam ak nangam mais amuñu moyen pour mettre en place une alimentation adaptée. Amuñu moyen pour bu fièvre ñëwé ñu taxawu ñi nga xamné ño fièvre mais amnañ moyen pour aller en guerre amnañ moyen pour déplacer des guerres amnañ moyen pour fabriquer des armes on est dans quel monde wallahu musta'an ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi jalla wala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.